comme quelqu'un qui m'appelle. Quelqu'un que je n'aurais pas dû oublier. Et tous ces cris qui me montent à la tête. Si je savais juste comment les aider. Tu prendras ma place, tu les sauveras. Donnez-moi une vie, donnez-moi une vie. J'aurai eu la chance de pouvoir te sauver et de te donner. Donne-moi une vie. Donne-moi une chance. Sans rien à l'univers, je ne sais pas comment faire. Mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire. Tellement de vies qui se sont détruites. Quand on ne vit pour ne rien dire. Est-ce que le souffle vale à ce point qu'on appelle la mort. Pour se faire un peu écouter. Tu prendras ma place, tu les sauveras. Donnez-moi une vie, donnez-moi une vie. J'aurai eu la chance de pouvoir te sauver et de te donner. Donne-moi une vie. Donne-moi une chance. Sans rien à l'univers, je ne sais pas comment faire. Mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire. Je m'en irai dans la voie lactée. Sauver les ombres qui sont torturées. Pour rayer le désespoir qui vous plante d'un poignard. Donne-moi une chance. Sans rien à l'univers, je ne sais pas comment faire. Mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire. Donne-moi une chance. Sans rien à l'univers. Je ne sais pas comment faire. Mais je les sauverai de cet univers céleste. Je ne sais pas comment faire.